Sur la première jusqu'à 14h, c'est l'heure d'Histoire vivante. Très bon après-midi à vous. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, les esclaves. Même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. Du muet au lix, une révolte en ligne pointillée. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus. Elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile. Et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux. Dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Tuez les Romains ! Tuez les tous ! On a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. Habitants de Capoue, cet homme, ce Spartacus a fait ses preuves dans l'arène. Pour cette raison, le légat Claudius Glaber et moi-même lui accordons la vie. Troisième épisode, vous avez dit pouce. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, nom, prénom, qualité, si toutefois vous en avez, votre parcours et puis, le cas échéant, vos spécialités? Alors bonjour, tout d'abord, je suis Éric Tessier, parmi mes rares qualités, je suis maître de conférence en histoire romaine à l'université de Nîmes. Le parcours, c'est un parcours un peu atypique. L'université n'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. C'est plus amusant, les parcours atypiques. Donc, je commençais par être un historien moderniste. J'ai fait une thèse sur l'époque moderne, l'époque de la Révolution française. Et ensuite, j'ai découvert le spectacle historique. Bon, personne n'est parfait, donc je m'y suis mis dedans. Et c'était au Théâtre Antique d'Orange, j'étais tout à fait amateur, c'était associatif, mais ça m'a fait découvrir des gens qui travaillaient sur une science qui m'était inconnue, c'était l'archéologie expérimentale. Ils expérimentaient quelque chose de particulier, c'était les combats de gladiateurs. Bon, je suis quand même historien, j'ai toujours été passionné aussi par l'époque romaine, et je me suis intéressé à ce travail, et une fois que j'ai commencé à expérimenter ce que c'est qu'un gladiateur, j'ai compris que je ne savais rien sur les gladiateurs, mais qu'au-delà, on ne savait pas grand-chose, en fait. Parce que c'était vraiment une volonté à la fois expérimentale, c'est-à-dire on reconstituait donc les équipements de manière très historique. On essayait de prendre toutes les sources qui pouvaient être à notre disposition, notamment iconographiques, et après, il y avait une part d'expérimentation sportive, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre pourquoi tel gladiateur était toujours avec tel autre. Et donc on a travaillé là-dessus et j'ai un de mes anciens professeurs, Christian Goudineau, qui était une grande sommité, qui est toujours une grande sommité sur l'époque antique, qui a trouvé ça très intéressant et qui m'a encouragé à faire une seconde thèse, qu'on appelle la HDR, l'habilitation dirigée des recherches, une thèse d'état, pour changer de période et pour commencer à travailler sur l'époque romaine. Donc du coup, ma spécialité actuellement, même si j'ai pas renoncé totalement à l'époque moderne, bien c'est un historien de l'Antiquité, notamment de l'histoire romaine, et notamment de l'histoire des combats, de gladiateurs, mais aussi de la Légion, donc tout ce monde-là, et plutôt vers la fin de la République et le début du Haut-Empire. Voilà. Éric Tessier, concernant ces sources pictural concernant les combats des gladiateurs, on doit donc comprendre, à vous entendre, qu'elles sont contemporaines peu ou prou des combats, qu'il ne s'agit pas de reproductions tardives sur lesquelles on ne pourrait évidemment pas complètement se fier, sur le plan historique bien sûr. On a affaire là à une représentation qui est contemporaine des combats. Oui, tout à fait. La question vaut d'être posée, parce que quand on parle de gladiateurs, je pense que les auditeurs doivent avoir ça en tête, il y a un tableau qui est très connu, un tableau de Jérôme qui s'appelle Police Verso, où on voit justement des Romains qui mettent le pouce en bas pour demander la mort d'un gladiateur vaincu qui baigne dans son sang dans l'arène. Ce tableau, il est important et il est, évidemment, c'est pas une source d'époque, 1872. Pourtant, on le retrouve dans presque tous les bouquins sur les gladiateurs, comme si c'était une source. Et ça a été effectivement une source, mais pour les péplums. C'est-à-dire que les premiers péplums italiens avant la guerre de 14, celui de Guazzoni, Covadis, a repris mais exactement la mise en scène de Jérôme, qui était un très grand illustrateur et qui s'intéressait vraiment aux sources de près. Et il a popularisé ce geste du pouce renversé, que tout le monde, c'est peut-être un des gestes les plus connus au monde. Si vous parlez des gladiateurs, ce qui est un geste de Rome même, ce geste viendra tout de suite. Et ce geste, le problème, c'est qu'il est faux. Parce que Jérôme a mal traduit un texte, un seul texte qui nous parle de ça, et il a compris Police Verso, ce qui en latin veut dire le pouce, même plutôt la main ou les doigts, vers, en direction d'eux. Il a traduit à l'italienne, reverso, retourné, ce qui est une faute de traduction. Mais le problème, c'est que l'image est tellement forte, qui a été renforcée, parce que déjà son tableau était très connu, il a été reproduit très souvent, et la force du péplum italien, puis après américain, et puis jusqu'au dernier gladiator, jusqu'au dernier Spartacus, on a toujours cette image-là. Et avec toute l'image, l'image du pouce, il y a toute l'image de la cruauté, l'image de la barbarie qu'il y a derrière les combats de gladiateurs. Et du coup, la question sur les sources, non pas du 19e, mais des origines, elle est très importante, puisque effectivement, on croyait les connaître, on les connaissait, on mettait toujours quelques mosaïques sur les livres de gladiateurs, c'était toujours les mêmes. Mais on se disait, bon, voilà, c'est juste une illustration. Le fait de passer par l'archéologie expérimentale, par les techniques de combat, m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, ces sources iconographiques avaient une forte dimension technique. Elles s'adressaient finalement à des gens qui connaissaient la gladiature, qui assistaient à la gladiature, comme aujourd'hui on assiste au foot. On va pas mettre aujourd'hui une photo de footballeur avec un ballon ovale. Tout le monde trouverait ça ridicule. C'est pareil pour l'époque des gladiateurs. C'était une image, des images très justes. Et l'idée aussi qu'il n'y avait pas seulement quelques images, mais un axe de travail sur ma HDR, ma deuxième thèse, c'est de faire le corpus de cette iconographie. Je suis arrivé à plus de 1500 images. Quand on a 1500 images différentes, on peut même commencer à faire des statistiques. Et puis on peut voir justement que c'est certains moments qui sont représentés. Donc oui, je m'appuie sur des sources de l'époque, des images de l'époque, et qui ont une valeur documentaire plus importante que celle qu'on imaginait. Eric Tessier, doit-on comprendre, vu la complexité de ces combats, que cette complexité est reliée au fait que, au départ, ces combats ont une origine et que ces origines, cette origine, a à voir avec des rituels et des rituels d'enterrement, mais vous me corrigerez sans doute. Est-ce que là, on doit comprendre l'articulation ? Ce qu'il faut comprendre sur la gladiature, il y a plusieurs choses à comprendre, plusieurs idées reçues à revoir. On dit gladiature, on pense immédiatement romain. On dit gladiature, on pense immédiatement une sorte d'assassinat mis en spectacle dans l'arène. En fait, c'est plus compliqué que ça. D'abord, la gladiature, c'est pas que romain. Parce que, comme vous dites, c'est à l'origine des combats rituels. Si on veut trouver le plus ancien texte sur la gladiature, c'est-à-dire sur un combat mis en spectacle, mis en scène, c'est dans l'Iliade qu'il faut le trouver. C'est à la mort de Patrocle, Achille organise des jeux funèbres, et on voit deux Grecs, deux guerriers, mais même deux princes, qui se lèvent parmi les hommes en armes, les hommes couverts de bronze, et qui vont s'affronter en l'honneur de Patrocle qui est mort. Et ils vont jusqu'à se tuer, il faut les séparer pour éviter qu'ils s'entretuent vraiment. Et donc, il y a ce côté rituel funéraire qui est à l'origine, mais on le trouve chez les Grecs, mais en fait, si on gratte un peu, on le trouve partout. Hannibal, par exemple, organise un combat de gladiateurs juste après avoir passé les Alpes. On a des traces de combats de rituels comme ça chez les Celtes, chez les Ibères, chez les Étrusques, dans le sud de l'Italie aussi, dans l'Italie grecque. Donc il y a une forte présence de ces combats rituels et funéraires à des époques très anciennes, un peu partout. Alors, ça va arriver à Rome au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, dans cette configuration directement héritée des Étrusques de combat funéraire, c'est-à-dire qu'il y a un Romain important qui est mort, ses fils offrent trois paires de gladiateurs qui vont s'entretuer. On ne sait pas à cette époque-là s'ils sont encore des volontaires ou déjà des prisonniers de guerre qu'on livre comme ça à un combat, mais ces combats, d'après les sources iconographiques qu'on commence à avoir à cette époque-là, sont ritualisés. On voit des musiciens derrière, on voit parfois des arbitres. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste de dire « il faut qu'il se tue vite et que ça saigne beaucoup ». Donc les Romains finalement montent dans le train en marche assez tard au fond, comme souvent d'ailleurs, ils n'ont pas inventé grand chose les Romains, ils sont souvent pris aux autres. Par contre ce qu'ils font, ils vont le multiplier, ils vont en faire quelque chose de massif. Et justement ça correspond à l'histoire des Romains donc à l'époque d'après, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils vont se mettre à conquérir le monde, c'est-à-dire le monde méditerranéen. Et ça, qui dit conquête dit afflux d'esclaves. Et ces esclaves, ben, certains ont une valeur marchande, ils ont un métier. D'autres, qu'est-ce que tu sais faire ? Ben, la guerre. On ne va pas en pouvoir en faire grand-chose. On ne va pas le mettre dans les champs, on ne va pas lui donner les enfants à garder. Donc soit on va le mettre dans les mines, soit on va le dire, ben, tiens, on va en faire un gladiateur. On va les utiliser pour ces combats funéraires. Et au lieu d'avoir 2, 3, 4 paires, eh ben, on va en avoir des dizaines, des centaines, des milliers. Parce que, moi j'estime ça finalement quelque part, c'est un peu un déstockage d'esclaves dont on ne peut pas faire grand-chose, qui n'ont pas une énorme valeur marchande et qu'on va valoriser par ces combats qui deviennent de toujours avec un rapport funéraire, un prétexte funéraire ou politique, c'est souvent lié, mais de plus en plus un rapport au spectacle, l'idée de mettre en scène des combats. Éric Tessier, donnez-nous à comprendre le sens du pourquoi de ces combats dans une pareille situation. Qu'est-ce qu'on raconte puisqu'il y a déjà la mort et que d'une certaine manière on va avoir passage de vie à trépas avec l'un des combattants qui sans doute succombera. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est assez difficile à avoir une réponse tranchée. Alors il y a différentes hypothèses, interprétations. Certains y ont vu finalement une façon de reprendre un rituel archaïque que les anciens finalement essayaient d'éviter parce qu'ils trouvaient quand même ça un peu cruel, c'est le sacrifice humain. C'est-à-dire voilà, on sacrifie des hommes, des femmes parce que quelqu'un d'important est mort, et ben il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Bon, les Romains ont pratiqué ça une fois, notamment pendant les guerres puniques, et ils l'ont regretté. Ils ont dit on n'aurait pas dû faire ça, c'est quand même vraiment, c'est indigne de nous. Donc est-ce que c'est un transfert? Bon, peut-être. Est-ce que c'est aussi, ça c'est plus probablement, il y a le caractère finalement sacrificiel. De la même façon qu'on va verser le sang d'un animal pour les dieux chthoniens, ceux qui sont sous terre, là où justement le mort est censé aller, dans les enfers, eh bien, il y a certainement cette idée-là, donc verser le sang. Alors après, la question, c'est verser le sang jusqu'où ? Dans l'Iliade, ben, il n'est pas question d'un combat à mort. On verse le sang, c'est-à-dire symboliquement. Mais on commence après à avoir justement des combats à mort. Par exemple, justement, quand Hannibal traverse les Alpes, il prend des prisonniers gaulois qu'il a fait pendant sa traversée. Il va leur dire, ben, écoutez, voilà, c'est simple, je veux deux volontaires. Ils vont s'affronter, il y en a un qui va mourir. Mais le survivant va être libéré, en plus je lui donnerai des récompenses. Et tous les prisonniers qui sont là sont volontaires. Ils veulent tous y aller, tout plutôt que l'esclavage. Et donc Hannibal va faire ce combat jusqu'à la mort, et le vainqueur donc est récompensé, et il en fait un côté, finalement une leçon didactique, en disant « Voyez, vous qui êtes mes soldats, mettez-vous à la place de ces gens qui ont été vaincus, qui sont esclaves, qui sont prisonniers de guerre, qui vont devoir finalement s'entretuer entre eux pour avoir la liberté, ben vous, réfléchissez avant, c'est-à-dire préférez plutôt la mort au combat, une mort digne contre l'ennemi, plutôt que de devoir être réduit en esclave ou réduit à devoir tuer un de vos camarades pour pouvoir être libéré. » Donc on peut dire qu'à cette époque-là, on est à la fin du IIIe siècle, il y a une gladiature qui est sanglante, qui est mortelle, et qui va le devenir de plus en plus, justement, pour ces raisons d'afflux de plus en plus massif de prisonniers de guerre au fur et à mesure qu'il y a des conquêtes romaines tous azimuts. Il y a un marché de l'esclavage qui est saturé. C'est bien beau d'avoir des esclaves. En avoir un, c'est bien. Deux, c'est pas mal. En avoir 20, si on n'a pas de travail à leur donner, ça devient pléthorique. Donc, à un moment donné, on va se dire, ben voilà, on a des prisonniers de guerre, on va pouvoir les utiliser là-dessus, et on va... C'est un peu cruel comme nom, mais c'est économiquement, c'est un peu de ça. Et donc, comme il y a d'un côté une volonté d'honorer les morts, tradition qui s'est créée depuis très longtemps, d'honorer par des combats funéraires, il y a aussi un côté spectacle que les Romains découvrent petit à petit, et ça devient de plus en plus important chez eux, parce que ça leur plaît. Et les Romains vont rajouter quelque chose pour comprendre l'ensemble du phénomène. Ils vont rajouter la notion d'armatura. Alors, quand on dit armatura, on traduit de manière assez paresseuse armure. Ben, non. Quand on dit armure, on pense à Jeanne d'Arc, quelqu'un qui est au Bayard, quelqu'un qui est complètement recouvert de fer. C'est pas ça, les gladiateurs, ils ont un casque, mais le reste, sont très peu protégés. Non, il faut prendre l'équivalent grec, panoplia, la panoplie. Et quand vous avez, comme je dis, la panoplie de Zorro, il n'y a pas l'arc de Robin des Bois dedans. Panoplie, ça veut dire un ensemble d'équipements cohérents. Et les panoplies, ils vont les faire, et ce que j'appelle mon concept que j'ai intitulé la gladiature ethnique. C'est-à-dire qu'ils vont créer les panoplies ou les armatures des peuples qu'ils ont vaincus. Le Samnite d'abord, le Gaulois, le Thrace. C'est-à-dire qu'ils vont combattre avec leurs armes nationales. On notera qu'il n'y aura jamais un gladiateur romain. Donc ils vont faire combattre leurs anciens adversaires ensemble pour le plaisir du peuple romain, pour dire, voyez, nous, Rome, nous sommes la civilisation entourée par la barbarie. Ben, on présente une image inversée du monde. On met la barbarie au centre de la cité, autour. Nous sommes la cité, nous sommes la civilisation, et on va faire combattre les barbares que nous avons vaincus pour notre plaisir et pour honorer les notables qui viennent de mourir. Et donc ça va avoir une dimension à la fois de propagande, une dimension politique, parce que c'est des hommes politiques qui vont offrir ces combats. Que le père ou le grand-père soit mort la veille ou 25 ans plus tôt, c'est ce que fera César par exemple, il honorera son père 21 ans après le coup. Donc il y a cette dimension-là qui crée, on va dire, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la gladiature romaine, une gladiature de plus en plus massive, avec ce côté politique, propagandiste quelque part, de dire, voilà, nous sommes finalement le peuple qui est en train de conquérir le monde, et voyez, regardez, on le met en scène devant vos yeux. Eric Tessier, on vous retrouve, vous nous avez fait les présentations de ce que c'est que cette toile de fond dans laquelle s'inscrivent les gladiateurs, et on en sait maintenant un petit peu plus. Quelques mots ont été prononcés, notamment deux, gladiateurs d'un côté, et puis Thrace de l'autre. Ça va nous permettre de nous approcher d'un personnage auquel vous avez consacré un livre. Spartacus. Ce nom claque comme un coup de fouet. Aucun scénariste, si doué soit-il, n'en aurait inventé de meilleur pour désigner un esclave révolté. Spartacus. Aussitôt prononcé, ces trois syllabes suscitent en un éclair de multiples images puisées à différentes sources. Comment t'appelles-tu, esclave ? Le visage de Kirk Douglas. Spartacus. Indomptable et généreux, dans ce qui reste sans doute l'un des meilleurs péplums de l'histoire du cinéma. Celui d'Andy Whitfield. Spartacus ! Héros d'une série contemporaine, Spartacus, Blood and Sand, du sang et du sable. Nouvelle saga américaine où le travestissement de l'histoire fait bon ménage avec l'abondance de sexe et de sang. Pour d'autres, Spartacus demeure le gladiateur esclave révolté, brisant ses chaînes et se levant seul face à Rome, puissance cruelle et dominatrice. Éternel combattant pour la liberté, il devient alors une icône révolutionnaire, une sorte de Che Guevara en tunique déchirée, héros lumineux qui affronte des Romains uniformément méchants et exploiteurs. Pour d'autres encore, il constitue un proto-Christ inspiré, prophète de l'inéluctable déclin de Rome avec 5 siècles d'avance. À moins qu'il ne soit un nouveau Moïse, guidant son peuple vers une inaccessible terre promise. Autant d'images, autant de mythes. Mais que savons-nous vraiment de cet homme dont la destinée historique s'inscrit dans l'espace de 2 années ? Et là, je me tourne vers vous, Éric Tessier. Avant qu'on aille sur le « que savons-nous », c'est le « comment savons-nous ce que nous savons », si toutefois on sait beaucoup de choses. Vous indiquez qu'il y a quelques sources premières, sources majeures, d'autres sources moins importantes. Mais si on essaye un petit peu de réunir, dans quoi avez-vous plongé pour arriver à esquisser ce portrait et cette biographie de Spartacus? C'est pas un exercice facile, finalement. Bon, quand les éditions Perrin m'ont demandé de faire la biographie de Spartacus, bon, très honoré, parce que j'avais fait un ouvrage sur les gladiateurs, un ouvrage général là-dessus, c'est pour ça qu'on m'a demandé. Et après, le problème de Spartacus, c'est qu'avant de trouver le vrai Spartacus, c'est un peu le travail de l'archéologue, hein. Il faut enlever des strates, hein. Parce que quand on dit Spartacus, tout le monde connaît Spartacus. Si on faisait un sondage dans la rue, citez-moi les trois Romains les plus connus, Spartacus arriverait dans les trois. Bon, ce qui horrifierait les Romains, mais il arriverait pas loin derrière Jules César. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du mythe. Il y a un mythe Spartacus qui a largement dépassé le personnage historique. Et donc c'est pour ça que j'appelais le livre entre le mythe et l'histoire, quoi. Il fallait passer par le mythe ou accompagner le mythe, le confronter à l'histoire. Alors l'histoire en tant que telle, c'est pas énorme, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, quatre historiens de l'époque. Enfin, quand je dis de l'époque, plutôt de l'Antiquité. Il y a un seul qui soit vraiment de l'époque, Salluste. Mais son œuvre nous est parvenue très, très partiellement. C'est un peu comme un fromage à trous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, l'ouvrage en question de Salluste. Mais il y a des trous, il y a des manques. Alors, c'est des bribes qui sont parfois très précieuses parce que personne n'en parle à côté. En plus, lui, il est pas exactement contemporain, mais il devait avoir une quinzaine d'années quand il y a eu l'histoire de Spartacus, donc il a pu connaître des gens qui l'ont connu. Les autres sont plus au postérieur, donc c'est Florus, c'est deux Grecs, Appien et Plutarque, qui parfois écrivent deux siècles après Spartacus. Bon, il n'en reste pas moins que c'est des gens qui ont pu consulter des sources de l'époque, des témoignages, des archives, qui permettent de donner une vision à peu près fiable de l'histoire de Spartacus. Il n'en reste pas moins que Plutarque, qui a écrit La vie des hommes célèbres, ne parle pas de Spartacus comme un homme célèbre. Il en parle à travers le portrait, notamment, de Pompée ou de Crassus. Donc, qu'il y a une vingtaine, 30 pages maximum, en comptant tout ce qui a été écrit dans l'Antiquité, qui nous est parvenu. Donc, c'est pas énorme. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grandes contradictions, mais on peut quand même essayer, en suivant vraiment mes mots à mots pratiquement les informations, essayer de resituer Spartacus, surtout dans son temps, essayer de comprendre tout qu'il était. Mais là, Éric Tessier, vous parlez bien de sources originelles également, c'est-à-dire non traduites. Oui, c'est les sources antiques, les sources qui nous sont parvenues, qui ont été recopiées par les moines pendant le Moyen-Âge, qui sont bien connues depuis la Renaissance, généralement, qui sont soit en grec, soit en latin. On a, on va dire, quatre auteurs qui sont les sources majeures de latin, de grec, et qui donnent donc finalement leur point de vue vis-à-vis de Spartacus. Oui, parce que, pardon de vous interrompre, mais c'est aussi une autre étape de la difficulté, c'est-à-dire que bon nombre de vos collègues disent, ou certains en tout cas de vos collègues disent, de la difficulté d'avoir à se colter avec des textes qui sont passés par la traduction, avec ce que la traduction peut redire. Comme on dit en italien, traduttore traditore. Mais il y a ça, il y a ce premier problème. Après, il y a un problème, je dirais, social. Pour les aristocrates, puisque bon, à cette époque-là, les historiens sont plutôt des aristocrates, des sénateurs, souvent, c'est un vil esclave. Spartacus, dans la bouche de Cicéron, qui dirait une source mineure, parce qu'il l'évoque comme ça vraiment au détour d'une phrase, mais pour lui, Spartacus, c'est une insulte. Nous, Spartacus, le héros, Spartacus, le libérateur, le révolutionnaire, Spartacus, c'est presque un gros mot, c'est-à-dire c'est un violent, c'est un gladiateur, c'est quelqu'un qui se roule dans le sang, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est un démon. Donc il y a ça aussi, de se dire, bon, il le voit avec cette optique-là. Et c'est là où les sources sont quand même aussi intéressantes, c'est que malgré ce filtre négatif, eh bien, ils peuvent pas s'empêcher parfois de dire, ouais, quand même, pour un gladiateur, c'était un sacré bonhomme. Il y a cet exemple, finalement, de ce gars qui va jusqu'au bout, qui est très cruel, qui réduit des Romains en esclavage, qui les fait combattre eux-mêmes des Romains, quelle horreur, comme gladiateur, qui les crucifie parfois. Mais bon, il va jusqu'au bout, il meurt en combattant, en général. Je crois que c'est Appien qui dit ça, au milieu de ses hommes. Donc il y a cette image très paradoxale du gladiateur, qu'on retrouve notamment chez Spartacus, mais qui est une image paradoxale en général chez les Romains. C'est à la fois des êtres de sang, c'est des hommes publics, c'est-à-dire qui se donnent en spectacle en public, comme il y a des femmes publiques, c'est des prostituées du spectacle. Mais en même temps, quel courage! Quel courage! Ils regardent la mort en face, comme ça j'avais intitulé mon livre sur les gladiateurs, parce que c'est un exemple pour des gens comme Cicéron, comme Sénèque. Je dis, mais comment regarder ces hommes du dernier rang? Eux, ils regardent la mort en face, c'est pas la peine finalement de beaucoup philosopher, eux, ils nous donnent un exemple. Eric Tessier, votre travail, votre métier doit certainement forger le caractère. Quand on sait que on travaille avec des sources qui sont éparses, qui sont au minima, quand on veut par exemple écrire sur demande d'un éditeur un ouvrage concernant Spartacus, en sachant que il y a eu quelque chose d'important qui a été écrit par le passé, mais que ce quelque chose d'important, eh ben, on n'en a plus trace aujourd'hui. Alors, vous nous racontez ça un peu? On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait avec ses sources écrites. Le problème, c'est que bon, quand j'ai travaillé sur les gladiateurs, j'avais beaucoup de sources iconographiques. Le problème pour Spartacus, à cette époque-là, on n'a pas encore de sources iconographiques. Elles commencent pratiquement juste après lui, ou à peu près à son époque. Donc j'ai pas grand-chose qui peut me permettre de visualiser ça. J'ai un graffiti sur un mur de Pompéi qui semble montrer Spartacus. Avec ça, on va pas très loin. On a aussi des regrets. Donc ça, j'ai rencontré ça pour la biographie de Pompée, mais c'est vrai aussi pour Spartacus. Il y a des choses, on sait que ça existait, mais elles ont disparu. C'est Silius, par exemple, qui a écrit à l'époque une relation justement sur cette guerre des esclaves, puisqu'on l'appelait comme ça. C'est, en fait, c'est la troisième guerre servile. Il y en a eu deux avant. Troisième grande révolte d'esclaves qui constitue une véritable guerre. Il a écrit tout un ouvrage là-dessus. On n'a rien gardé, quoi. On a juste le nom, quoi. On sait que ça a existé. Donc ça, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on se dit, ça existe. Alors peut-être un miracle un jour. On va déballer une momie, puis on s'apercevra que la momie a été emballée avec le livre de Cécilius. Ça serait un miracle. Il y a encore des manuscrits qui sont dans la villa des Papyrus, justement, à Herculanum, qui ont été cuits par l'éruption, et on se casse la tête pour savoir, sans les détruire, comment on pourrait rentrer là-dedans, voir ces rouleaux, qu'est-ce qu'il y a comme connaissance. On en a commencé à en avoir quelques-uns, mais c'est plutôt de la philosophie pour l'instant. Donc il y a toujours l'espérance un peu folle de l'historien de se dire, ah, si un jour on tombait sur un de ces livres disparus, il nous manque la moitié de Tite-Live, il nous manque tout le début de Tacite, c'est ça le drame. Et donc voilà, on peut avoir que des regrets. Mais alors soit on dit, j'attends d'avoir la source, je peux attendre longtemps, soit on dit, on va essayer. Alors on essaie en confrontant, parce que l'histoire, c'est l'enquête, d'après Hérodote, c'est ce que veut dire le mot histoire en grec. Donc on confronte avec d'autres sources. Par exemple, si on connaît pas très bien Spartacus, on connaît beaucoup mieux ses contemporains, les gens qui l'ont combattu, comme Crassus par exemple. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà vraiment avoir une étude très fine de tout le moindre fragment qu'on peut avoir sur Spartacus, les confronter entre eux, et surtout mettre Spartacus dans son contexte, essayer de comprendre quel est le Spartacus de cette époque-là, qu'est-ce que c'est la gladiature à cette époque-là, qu'est-ce que c'est que la légion romaine à cette époque-là, puisqu'il va souvent vaincre les légionnaires de Rome, quel est le contexte politique, social. Et finalement, quand on va chercher ça, on se dit, on commence déjà à comprendre un peu mieux concrètement le monde dans lequel vit Spartacus. Moi, j'ai une approche assez technique des choses. J'ai fait justement de l'archéologie expérimentale, j'ai fait de l'expérimentation du combat de gladiateurs, je m'intéresse toujours à ça aussi dans le domaine des légionnaires. Et donc ça permet justement de dépasser des idées reçues. Bon, finalement, quand on a fait ça, on sait ce que c'est un bouclier, on sait ce que ça pèse un casque. Et il y a beaucoup d'idées reçues qui finalement se sont écartées. Et on rentre finalement dans le cœur du sujet, on peut finalement un peu mieux que si on avait une vision purement académique des choses, un peu mieux savoir finalement quel était le contexte des gladiateurs du temps de Spartacus, et peut-être aussi pourquoi il a remporté pratiquement 10 victoires contre les légions de Rome. Il y a une réponse technique. Et donc ça, si les textes ne me le disent pas, je peux finalement essayer d'approcher ces raisons techniquement grâce à l'expérimentation. Notre épisode était intitulé « Vous avez dit pouce ». Demain la suite, nous retrouverons à ce même micro notre invité Eric Tessier, auteur, entre autres, de « Spartacus, entre le mythe et l'histoire », ouvrage édité chez Perrin.